Coulo le lépreux par Jack London. Parce que nous sommes malades, on nous retire notre liberté. Nous avons respecté la loi, nous n'avons commis aucun crime, et pourtant on veut nous envoyer en prison. Molokai est une prison, vous le savez comme moi. Vous voyez Nioli là-bas? Eh bien, on a expédié sa sœur à Molokai, voilà 7 ans. Il ne l'a plus revue, et ne la reverra jamais. Elle doit s'y morfondre jusqu'à la mort. Ce n'est pas elle qui l'a cherché, Nioli pas davantage, mais les hommes blancs qui gouvernent ici. Et que sont ces blancs? Nous ne l'ignorons pas. Nous les tenons de nos pères et des pères de nos pères. Ils sont venus comme des agneaux pleins de douceur à notre égard. Ils s'y prenaient à merveille, pour nous amadouer à cette époque, car nous étions nombreux et forts, et toutes les îles nous appartenaient. Ces intrus étaient de 2 sortes. Les uns nous demandaient l'autorisation, l'aimable autorisation de nous prêcher la parole de Dieu. Les autres, celle de faire commerce avec nous. Ce fut le commencement. Maintenant, toutes les îles, tout le pays, tout le bétail, tout leur appartient. Ceux qui répandaient la parole divine et ceux qui parlaient au nom du Rhum ont prospéré et sont devenus de grands chefs. Ils vivent comme des rois dans des maisons aux nombreuses chambres, servies par une multitude de domestiques. Ceux qui n'avaient rien possèdent tout. Et si vous, moi ou n'importe quel Kanak souffrons de la faim, ils disent en ricanant « Eh bien, pourquoi ne travailles-tu pas? Les plantations sont là. » Coulo se tut. Il leva la main et de ses doigts noués et tordus brandit la guirlande éclatante d'hibiscus qui couronnait ses cheveux noirs. La lune baignait la scène de ses rayons d'argent. C'était une nuit sereine, mais ceux qui écoutaient Coulo, assis autour de lui, avaient l'aspect de guerriers abandonnés sur un champ de bataille. Leur face rappelait celle de lion. Chez l'un, un trou béait à l'endroit où aurait dû se trouver le nez. Un autre exhibait un moignon dont la main s'était pétrifiée. Ces 30 déchets humains, hommes et femmes, portaient tous la marque de la bête. Parés de fleurs, ils se tenaient accroupis dans la nuit lumineuse et embaumée. De leurs lèvres sortaient des sons étranges, et leurs gosiers mettaient des bruits rauques en approbation du discours de Coulo. Ces créatures ne ressemblaient plus à des hommes et à des femmes. C'étaient des monstres, par le visage et par le corps, caricatures grotesques d'humanité. Atrocement mutilés et déformés, on les eût dit échappés de l'enfer, après des millénaires de torture. Leurs mains, quand ils en possédaient encore, évoquaient des griffes de harpies. Leurs faces semblaient être des ébauches ratées d'un dieu créateur qui, dans un accès de démence, les eût triturés et écrasés de ses doigts rageurs. Il avait laissé ça et là des traits à demi effacés, comme ceux de cette femme qui versait des larmes brûlantes par 2 trous horribles où avait autrefois lui ses yeux. Plusieurs souffraient le martyre, poussaient de profonds gémissements. D'autres, en toussant, produisaient le bruit d'un tissu qui se déchire. 2, privés de raison, avaient l'aspect de grands singes manqués. Mais à côté d'eux, un singe eût paru un ange. Ils balbutiaient des mots sans suite au clair de lune, sous leur couronne de corolles d'or à demi flétrie. L'un d'eux, dont le lobe d'une oreille atteinte d'hypertrophie retombait en éventail sur son épaule, cueillit une splendide fleur d'oranger et en orna l'organe monstrueux qui battait à chacun de ses mouvements. Sur ces êtres régnait Coulo. Son royaume se composait d'une vallée remplie de fleurs, surplombée par des falaises et des rochers abrupts, d'où bêlaient des chèvres sauvages. Sur les 3 côtés se dressaient les rocs farouches, festonnés des capricieuses draperies de la végétation tropicale, et percé par l'orifice des cavernes, repère des sujets de Coulo. Du 4e côté, le sol se dérobait en un abîme effroyable. À une profondeur vertigineuse, on y distinguait les sommets de pics et de rochers de moindre importance à la base desquels grondait et écumait la houle du Pacifique. Partant exceptionnellement calme, un bateau abordait sans encombre de la mer rocailleuse qui indiquait l'entrée de la vallée de la Colao. Seul un rude montagnard pouvait se risquer à grimper de la grève à la vallée. Mais outre le sang-froid, cet homme devait posséder une parfaite connaissance des sentiers abrupts suivis par les chèvres. On avait peine à croire que cette poignée de débris humains, qui constituait le peuple de Coulo, fût parvenue à se hisser le long des sentiers à pic jusqu'à cet endroit presque inaccessible. « Frère, » commença Coulo. Mais une des formes simiesques poussa un hurlement sauvage et Coulo attendit que le cri aigu, après s'être répercuté entre les parois rocheuses, se fût évanoui dans la nuit sereine. « Frère, n'est-ce pas étrange? cette terre nous appartenait, et voyez, elle n'est plus à nous. Que nous ont donné en échange ces porteurs d'évangile et de Rome? Un seul de vous a-t-il jamais reçu un dollar, un malheureux dollar, comme prix de cette terre? Pourtant, elle est bien à eux, et pour comble, ils nous invitent à cultiver la terre, leur terre. Ils s'approprient le fruit de nos efforts. Jadis, nous vivions heureux et sans travailler. De surcroît, quand nous sommes malades, ces blancs nous enlèvent notre liberté. Qui nous a porté cette maladie, Kulao? Demanda Kiloliana, homme maigre et tout en muscles, dont la face présentait une telle analogie avec celle d'un faux nilard, qu'on se fût attendu à lui voir des sabots fourchus. Ses pieds étaient nettement fendus, certes, par de profonds ulcères et une pourriture livide. Il représentait cependant, Kiloliana, le grimpeur le plus hardi de tous, celui qui connaissait jusqu'au moindre sentier de chèvre et à qui Kulao et ses infortunés compagnons devaient de les avoir guidés dans leur retraite de Kulao. « Oui, parlons-en, » répondit Kulao. « Comme nous refusions de cultiver les vastes champs de canne à sucre où paissaient autrefois nos chevaux, ils sont allés, au-delà des mers, chercher les esclaves chinois. Et avec eux est venu le mal chinois, celui dont nous souffrons, et en raison duquel ils veulent nous emprisonner dans l'île Molokai. Mais nous sommes nés sur Kanaï. Nous connaissons tous d'autres îles, Oahu, Mani, Hawaï, Honolulu. Mais toujours, nous sommes revenus à Kanaï. Parce que nous aimons Kanaï, où nous sommes nés, où nous avons vécu, où nous mourrons, à moins que il n'y ait parmi vous des cœurs faibles. De cela, nous n'avons que faire. Ils sont bons pour Molokai. Demain, les soldats débarqueront sur la grève. Qu'ils descendent vers eux et s'en aillent à Molokai. Quant à nous, nous resterons pour combattre. Sachez-le, nous ne serons pas exterminés. Nous possédons des fusils. Vous connaissez les passes étroites où il faut, un à un, se glisser en rampant. Moi, Kulao, ancien gardien de bétail sur Nuhau, je me charge d'y tenir contre 1000 hommes. Voici Kapalei, naguère comblé d'honneur. Qu'est-il devenu aujourd'hui? Un rat traqué comme vous et moi. Écoutez-le, c'est un sage. Kapalei, ex-juge, se leva. Après avoir obtenu ses diplômes au collège de Punahou, il avait assisté au banquet des lords, des gouvernants et des hauts dignitaires des puissances étrangères qui protégeaient les intérêts des trafiquants et des missionnaires. Telle était la situation occupée jadis par Kapalei. Mais à présent, selon les termes de Kulao, il n'était plus qu'un rat traqué, un hors-la-loi, si profondément enlisé dans la déchéance physique qu'il ne comptait pour ainsi dire plus aux yeux du monde. Son visage informe ne présentait plus que des trous béants et ses yeux privés de paupières brillaient sous un front sans sourcils. « Ne créons pas de difficultés, » commença-t-il. « Nous demandons seulement aux blancs de nous laisser en paix, sinon ils pourraient leur en cuire. Voyez, je n'ai plus de doigts. » Il brandit ses moignons. « Mais il me reste la moitié d'un pouce capable de tirer sur une gâchette aussi fermement que le faisait autrefois son voisin. » « Nous aimons Kania. Vivons-y ou mourons-y, mais ne nous laissons pas emprisonner à Molokai. La maladie ne vient pas de nous. Nous n'avons commis aucun crime. Ceux qui prêchaient la parole de Dieu et celle du Rhum nous ont apporté ce fléau en laissant venir les esclaves coulis pour cultiver la terre volée. J'ai été juge. Je connais la justice et les lois, et j'affirme qu'il est inique de détrousser un homme, de l'empoisonner du mal chinois, puis de le mettre en prison pour le restant de ses jours. La vie est brève et les jours sont tissés de souffrances, dit Kulao. Buvons, dansons et contentons-nous du bonheur présent. Des calebasses furent sorties d'un des terriers et passèrent à la ronde. Elles contenaient l'alcool virulent qu'on distille des racines de la plante appelée ti. À mesure que le liquide de feu se répandait dans leurs membres et montait à leur cerveau, ils oubliaient qu'ils avaient jadis été des hommes et des femmes, car ils se figuraient l'être redevenus. La femme aux orbites creuses semblait débordée de vitalité. Elle pinça les cordes d'un ukulélé et enfla la voix en un cri d'amour barbare, comme avait dû en entendre les sombres profondeurs des forêts primitives. L'air vibrait de son chant, doucement impérieux et prenant. Sur une natte, au rythme de la musique, Kiloliana se mit à danser. Impossible de s'y méprendre. L'amour transparaissait dans chacun de ses mouvements. Bientôt apparut à côté de lui une femme dont les larges hanches et l'abondante poitrine démentaient l'état du visage rongé par le mal. Étrange danse macabre, car dans ces corps à demi désagrégés, l'amour et le désir s'obstinaient à vivre. L'aveugle ne cessait d'exhaler sa plainte amoureuse, les danseurs de tournoyer dans la nuit tiède, les calebasses de passer de main en main, au point que dans tous les cerveaux, les joyeux souvenirs grouillaient comme des larves. Près de la femme s'élança sur la natte une fille svelte au fin visage intact, mais dont les bras tordus qui se levaient et s'abaissaient marquaient les ravages de la lèpre. Et les deux idiots mâchonnant des sons inarticulés se trémoussaient à l'écart, monstres grotesques, fantastiques, caricaturant l'amour comme la vie les caricaturait eux-mêmes. Mais le chant voluptueux s'interrompit brusquement. Les calebasses tombèrent sur le sol et les danseurs s'immobilisèrent. Tous se penchèrent vers l'abîme, où la pâle lueur d'une fusée flottait comme une apparition dans la clarté lunaire. « Voilà les soldats, » dit Kulao. « Demain il y aura bataille. Dormons et tenons-nous prêts. » Les lépreux obéirent et disparurent en rampant dans les grottes de la falaise, et Kulao resta seul, assis avec son fusil en travers des genoux, épiant loin au-dessous de lui les bateaux qui abordaient sur la baie. L'entrée de la vallée de Kulao était admirablement choisie comme refuge, sauf qu'Iloliana, qui connaissait des chemins détournés, escaladant le flanc escarpé des murailles, nul ne pouvait accéder à cet endroit autrement qu'en suivant une crête en lame de couteau longue d'une centaine de mètres et présentant tout au plus 30 centimètres en son point le plus large. À droite et à gauche, le gouffre, un faux pas et de n'importe quel côté, la chute mortelle. Mais cette crête franchie, on entrait dans un véritable paradis terrestre. Une mer de végétation se répandait sur le paysage, déferlait d'un versant à l'autre en vagues de verdure, qui garnissaient les rebords des falaises d'immenses rideaux de vignes et rejetant d'une foule de crevasses un embrun de fougères et de plantes grimpantes. Pendant les longs mois de la souveraineté de Kulao, ses compagnons et lui avaient lutté contre cet envahissement de la végétation. Ils avaient libéré de la jungle qui les étouffait les bananiers, les orangers et les manguiers sauvages. Dans deux petites clairières poussaient l'arrowroot. Sur des terrasses rocheuses garnies de terreaux, mûrissaient les plants de taro et les melons. Et sur tous les espaces découverts où pénétraient les rayons solaires, se dressaient des papayers chargés de leurs fruits d'or. Kulao s'était réfugié à cet endroit quand on l'avait chassé de la vallée inférieure proche de la baie. S'il se voyait contraint d'en partir, il connaissait au loin dans l'intérieur, parmi le chaos des pics, des gorges où il pourrait mener ses sujets et les faire vivre. En attendant, allongé par terre avec son fusil près de lui, il observait la baie à travers un épais rideau de feuillage. Il voyait les soldats débarquer d'énormes canons qui reflétaient le soleil comme des miroirs. Le passage en lame de couteau s'allongeait juste devant lui et sur le sentier qui y accédait, il voyait se glisser de minces silhouettes. Ce n'étaient point des soldats mais des policiers. S'ils échouaient dans leur tentative, alors les soldats interviendraient. Il glissa une main le long du canon de son arme et s'assura de la netteté des viseurs. À l'époque où il chassait les troupeaux sauvages sur l'île de Nuhau, il avait appris à tirer et là-bas le souvenir de son adresse subsistait encore. Quand, dans leur montée pénible, les hommes devinrent plus distincts en se rapprochant, il estima la portée, jugea la déviation à tendre du vent qui soufflait perpendiculairement à sa ligne de tir, et en déduisit qu'il risquait de tirer trop haut sur des cibles placées tellement en contrebas. Il préféra s'abstenir. Lorsque les hommes atteignirent le début du passage, alors seulement il révéla sa présence. Sans se montrer, il parla de sa cachette. « Que venez-vous faire par ici ?»« Nous venons chercher Kulao, le lépreux, » répondit le chef des policiers indigènes, un Américain aux yeux bleus. « Retournez d'où vous venez, » dit Kulao. Il connaissait cet homme, shérif adjoint, qu'il avait chassé de Nuhau, puis sur Kanaï, jusqu'à la vallée de Kulao et de la vallée de la Gorge. « Qui es-tu ? » demanda le shérif. « Je suis Kulao, le lépreux. » « Alors sors de là et suis-nous. Il y a 1000 dollars sur ta tête, mort ou vif. Tu ne peux nous échapper. » Kulao éclata de rire dans son buisson. « Allons, sors de là !» réitéra le shérif. Le silence seul lui répondit. L'homme délibéra quelques instants avec les policiers et Kulao les vit se préparer à l'attaque. « Kulao ! » cria le shérif. « Puisque tu refuses de venir, je vais moi-même te chercher. » « Alors ?» « Regarde bien d'abord le soleil, la mer et le ciel, car tu les verras pour la dernière fois. »« Très bien, Kulao, » dit l'homme d'un ton conciliant. « Je sais que tu es un excellent tireur, mais tu ne vas pas faire feu sur moi. Je ne t'ai jamais fait aucun mal. » Kulao poussa un grognement. « Tu sais parfaitement que je n'ai jamais essayé de te nuire, n'est-ce pas ? » insista le chéri. Vous me faites tort en tentant de m'emprisonner. Vous me faites tort en cherchant à gagner les 1000 dollars qui sont sur ma tête. Si vous tenez à votre peau, restez où vous êtes. Je vais passer de l'autre côté et te mettre la main au collet. 1000 regrets, mais j'accomplis mon devoir. Vous serez mort avant d'avoir passé. Le shérif n'était pas un lâche. Pourtant, il hésitait. Il sentait la profondeur du gouffre de chaque côté et mesurait de l'œil la crête qu'il devait suivre. Enfin, il prit son parti. « Kulo ! » cria-t-il, mais le buisson demeura silencieux. « Kulo, ne tire pas, je viens !» Il se détourna pour adresser quelques recommandations à ses hommes, puis aborda le chemin dangereux. Il progressait lentement, comme s'il eût marché sur une corde raide, car il n'avait que l'air pour se raccrocher. La lave du rocher s'effritait sous ses pas et les fragments rebondissaient dans les abîmes. Sous le soleil ardent, son visage ruisselait de sueur, mais il avançait et venait d'atteindre le milieu du passage. « Halte ! » ordonna Kulo. « Un pas de plus et je tire !» Le shérif s'arrêta, oscillant sur le vide pour conserver son équilibre. Il pâlit, mais son regard était plein de détermination. Il se mettait les lèvres avant de parler. « Kulo, tu ne vas pas tirer sur moi. Tu ne feras pas cela, je le sais. » Il repartit. La balle lui fait faire un demi-tour sur lui-même. Sur son visage parut une expression de lente surprise et il chancela. Il tenta d'éviter la chute en se jetant sur le chemin, mais cet instant la mort le saisit dans ses griffes et il roula dans le gouffre. Aussitôt, 5 policiers en file indienne s'élancèrent sur le sentier avec une admirable intrépidité, et en même temps, le reste de leurs camarades ouvrit le feu sur le buisson. Folie ! À 5 reprises, Kulo appuya sur la détente avec une telle rapidité que ses coups semblèrent se confondre. Changeant de place et s'aplatissant sous les balles qui sifflaient dans les branches et les hachets, il risqua un œil. 4 policiers avaient suivi le shérif dans l'abîme. Le 5e, étendu en travers de la pente, respirait encore. De l'autre côté, les autres avaient cessé de tirer. Sur ce roc nu, que pouvait-il espérer? Avant qu'ils l'eussent franchi, Kulo les eut abattus jusqu'au dernier. Ils se concertèrent et l'un d'eux, tirant un mouchoir blanc, l'agita comme un fanion. Accompagné d'un camarade, il se dirigea vers le blessé. Sans donner signe de vie, Kulo les regardait s'éloigner lentement et descendre peu à peu dans la vallée inférieure. 2 heures plus tard, d'une autre embuscade, Kulo aperçut un nouveau groupe de policiers tenter l'ascension du côté opposé de la vallée. Les chèvres sauvages s'enfuyaient devant eux à mesure qu'ils s'élevaient. Enfin, doutant de son jugement, il fit appeler Kiloliana qui rampa jusqu'à lui. « Non, il n'y a pas de sentier, » dit celui-ci, « mais les chèvres, elles restent dans la vallée voisine, mais ne peuvent accéder à la nôtre. Il n'existe pas de sentier. Ces hommes ne sauraient être plus adroits que les chèvres. Ils risquent de tomber et de se tuer. « Ce sont des braves, » dit Kulo. « Voyons ce qui va se passer. » Côte à côte, dans la splendeur matinale, les fleurs d'or du haut retombant sur leurs têtes, ils guettaient les efforts de ces atomes humains vers le ciel. Le dénouement qu'ils prévoyaient se réalisa enfin, et 3 d'entre eux glissèrent, roulèrent et rebondirent sur le rebord d'une falaise pour se fracasser 15 mètres plus bas. Kiloliana se prit à rire. « Cette fois, ils nous laisseront en paix. »« Ils ont des canons, » répondit Kulo. « Les soldats n'ont pas encore dit leurs mots. » Dans la torpeur de l'après-midi, la plupart des lépreux s'étaient retirés et dormaient dans leurs tanières rocheuses. Kulo, avec sur les genoux son fusil bien nettoyé et tout armé, sommeillait à l'entrée de son propre repère. La fille, aux bras tordus, dissimulée sous les buissons, montait la garde devant la crête en lame de couteau. Soudain, Kulo fut réveillé par une explosion sur la baie, et l'instant d'après, l'air parut se déchirer tout autour d'eux. Ce bruit infernal lui donna la chair de poule. On eût dit que les dieux, saisissant la calotte des cieux, la mettaient en pièces, comme une dame déchirerait une étoffe de coton. Mais ce fracas se rapprochait rapidement. Kulo regardait avec angoisse, comme s'il craignait de voir surgir le monstre d'acier. Alors, là-haut, au flanc de la falaise, l'obus éclata dans un nuage de fumée noire. Du rocher broyé, des fragments retombèrent en pluie. Kulo passa sa main sur son front trempé de sueur. Ce coup l'avait bouleversé, car il n'avait jamais vu les effets d'un obus, et il lui apparaissait plus effroyable que son imagination l'eût supposé. « Edin !» dit Kapalai, s'avisant soudain de les compter. Un second puis un troisième passèrent en hurlant au-dessus des falaises et explosèrent hors de leur vue. Kapalai continuait à compter méthodiquement. les lépreux se rassemblèrent sur l'espace libre devant les grottes. Terrifiés au début du tir, ils se rassuraient en constatant que les obus passaient au-dessus de leur tête et ce spectacle commençait à les intéresser. Les deux idiots glapissaient de joie, avec des contorsions sauvages chaque fois qu'un boulet trouait l'air. Coulo reprenait peu à peu confiance. Jusqu'ici, rien de fâcheux, en somme, ne se produisait. De toute évidence, on ne pouvait placer d'aussi gros projectiles à une telle distance avec la précision d'une balle de fusil. Mais bientôt, la situation changea d'aspect. Les artilleurs raccourcirent leur tir. Un obus éclata dans le fourré près du passage et Coulo, songeant à la fille qui s'y trouvait aux aguets, s'élança. La fumée s'élevait encore des buissons au moment où il s'y glissa. Il s'arrêta, terrifié. Les branches n'étaient plus que copeaux et brindilles. Là où se tenait la jeune fille, il ne vit plus qu'un énorme trou dans le sol. D'elle, il ne restait plus que des lambeaux épars. Elle avait reçu l'obus de plein fouet. Après un coup d'œil pour s'assurer qu'aucun soldat ne tentait de franchir la crête, il revint vers les grottes en toute hâte. Les obus continuaient de gémir, de miauler, de hurler, et leurs grondements se répercutaient dans la vallée. Quand il arriva près des cavernes, il vit les deux idiots errants, désemparés, s'étreignant mutuellement les mains avec les tronçons de leurs doigts. Au même instant, à côté d'eux, une trombe de fumée noire jaillit de la terre. L'explosion les sépara violemment. L'un gisait inanimé à quelques mètres de là, et l'autre marchait sur les mains, cherchant à regagner son trou. Il traînait derrière lui ses jambes broyées et le sang ruisselait de son corps. Il en paraissait inondé, et tout en rampant poussait des glapissements de petits chiens. Les autres lépreux, à l'exception de Kalapai, s'étaient réfugiés dans leur terrier. « 17. 18. » dit celui-ci. L'obus venait d'entrer en plein dans une des grottes et l'explosion vida les autres sur le champ. Mais personne ne sortit de la caverne atteinte. Coulo s'y glissa, à travers la fumée acide et piquante. Quatre corps effroyablement dépecés y gisaient. Parmi eux, celui de la femme aveugle, dont les larmes jusqu'alors n'avaient plus cessé de couler. Coulo retrouva ses sujets en proie à la panique et fuyant déjà par le sentier de chèvres, qui, de la gorge, se dirigeait vers les pics enchevêtrés et les ravins. Le blessé, qui ne cessait de gémir, s'efforçait de les suivre en rampant à l'aide de ses mains. Mais au premier obstacle, une faiblesse le prit et il retomba en arrière. « Mieux vaudra l'achever, » dit Coulo à Capelay, qui n'avait pas bougé. « 22. »« Oui, il serait judicieux de l'achever, » répondit-il. « 23. »« 24. » L'idiot se mit à pousser des plaintes aiguës quand il vit le fusil braqué sur lui. Coulo, hésitant, abaissa son arme. « C'est cruel, » dit-il. « Imbécile, » repartit Capelay. « Laisse-moi faire. » Il se leva et, ramassant un lourd éclat de rocher, s'approcha. Au moment où il allait frapper, un obus éclata en plein sur lui, qui le dispensa d'un acte nécessaire et en même temps mit fin à ses jours. Resté seul, Coulo regarda les derniers de ses sujets hisser sur la falaise leurs membres estropiés et disparaître. Puis il se détourna et redescendit dans le fourré, où la fille avait été tuée. Les projectiles continuaient à tomber, mais Coulo ne bougea pas, car au loin, en contrebas, il voyait grimper les soldats. Un obus éclata à 20 pas de lui. Aplati sur le sol, il entendit au-dessus de lui le fracas des éclats et une pluie de fleurs de haut le recouvrit. Il releva la tête pour observer le sentier et poussa un soupir. La peur s'emparait de lui. Les balles des fusils ne l'eussent point fait trembler, mais il ne pouvait souffrir ces abominables obus. À chaque sifflement, il frissonnait et se recroquevillait, mais la seconde d'après, il relevait la tête pour assurer sa faction. Enfin, l'artillerie se tut. Coulo en déduisit que les soldats se rapprochaient. Il se glissait en effet sur le sentier en file indienne. Il essaya de les compter un à un, mais ne put y parvenir. Il évalua une centaine environ tous ces hommes qui se dérangeaient pour saisir Coulo, le lépreux. Il en ressentit un sentiment fugitif d'orgueil. La police et les soldats, armés de canons de guerre et de fusils, marchaient contre lui, un homme seul, ou plutôt l'épave mutilée d'un homme. On offrait 1000 $ à qui le ramènerait mort ou vif. Dans toute son existence, Coulo n'avait jamais possédé pareille somme. Cette pensée l'emplissait d'amertume. Capelay ne se trompait pas. Lui, Coulo, n'avait commis aucun crime. Les étrangers ayant besoin de main-d'œuvre pour cultiver le sol volé avaient amené les coulis chinois et avec ceux-ci le mal. Maintenant qu'il avait contracté la lèpre Il valait $1,000, dont il ne profiterait pas lui-même. C'est à ce prix qu'on estimait sa carcasse inutile, pourrie par la maladie ou dépecée par les obus. Quand les soldats eurent atteint la crête en lame de couteau, il fut sur le point de les mettre en garde. Mais son regard s'étant baissé sur les restes de la jeune fille assassinée, il garda le silence. Lorsque 6 hommes se furent engagés sur le passage, Coulot ouvrit le feu et ne cessa qu'après avoir fait place nette. Il vida son magasin, le remplit et le vida de nouveau. Il tirait sans discontinuer. Toutes ses rancunes bouillonnaient dans son cerveau et la fureur de la vengeance le possédait tout entier. Au bas du sentier de chèvres, les soldats tiraient également sans désemparer. Aplati sur le sol, il s'efforçait de s'abriter derrière les légers accidents du terrain, mais il n'en constituait pas moins pour lui d'excellentes cibles. Les balles sifflaient autour de lui et parfois même ricochaient avec un bruit sec. L'une d'elles lui érafla le cuir chevelu et une autre lui brûla l'omoplate sans entamer la peau. Ce fut une tuerie, avec pour auteur un homme seul. Les soldats battirent en retraite, en soutenant leurs blessés. Tandis que Coulot les regardait s'éloigner, une odeur de chair grillée lui parvint tout à coup. Il en cherchait l'origine lorsqu'il s'aperçut qu'elle provenait de ses propres mains, brûlée par l'échauffement de son fusil. La lèpre avait en grande partie détruit leur sensibilité. Sa propre chair grésillait et son odorat le lui révélait, mais il n'en éprouvait nulle sensation de douleur. Étendu dans sa cachette, il souriait de satisfaction lorsque sa pensée se reporta au canon. Sans aucun doute, ils allaient de nouveau tonner contre lui et cette fois-ci pointer sur le fourré même dont il avait abattu tant de victimes. À peine avait-il changé d'abri pour se réfugier dans une crevasse située derrière un léger épaulement de la falaise où il avait remarqué que les obus ne tombaient pas, que le bombardement reprit de plus belle. Il compta les coups. 60 obus convergèrent sur la gorge dont ils bouleversèrent la surface. Il semblait impossible que rien de vivant y subsistât. Du moins, les soldats le supposèrent, car sous les rayons brûlants du soleil d'après-midi, ils risquèrent une nouvelle ascension. De nouveau, la crête en lame de couteau leur fut disputée et ils durent se replier sur la baie. Pendant 2 journées encore, Coulot monta sa faction, mais les soldats se bornèrent à canonner sa retraite. C'est alors que Pahoe, jeune lépreux, se montrant au sommet de la falaise au fond de la gorge, lui cria que Kiloliana s'était tuée en tombant, tandis qu'il chassait des chèvres pour leur nourriture, que les femmes avaient peur et qu'il ne savait plus quel parti prendre. Coulot l'appela et lui confia un fusil avec la consigne de surveiller le sentier. Il trouva ses compagnons désemparés, la plupart incapables de pourvoir à leur subsistance dans ces circonstances tragiques. Tous souffraient de la faim. Il désigna 2 femmes et 1 homme que le mal laissait encore valides. Il les envoya à la gorge chercher des provisions et des nattes. Les autres, il les réconforta et leur rendit confiance, si bien qu'à la fin, même les plus faibles s'employèrent à se construire des abris rudimentaires. Les commissionnaires ne revenant pas, il redescendit vers la gorge. Comme il arrivait au bord de la falaise, une salve l'accueillit. Une balle lui traversa l'épaule et un éclat de rocher, détaché par une autre balle, lui entailla la joue. Entre cet instant et son geste de recul, il eut le temps de constater que la gorge fourmillait de soldats. Les siens l'avaient trahi. La canonnade avait été trop terrible. Il lui préférait la prison de Molokai. Coulot revint en arrière et enleva une de ses lourdes cartouchières. Allongé dans les rochers, il attendit de voir nettement la tête et les épaules du premier soldat avant d'appuyer sur la détente. Un second subit le même sort, mais au bout d'un moment, ce fut un fanion blanc qui émergea au bord de la falaise. « Que voulez-vous » cria-t-il. « C'est toi que je veux, si tu es Coulot le lépreux. » Coulot oublia l'endroit où il se trouvait, oublia tout. Il demeurait stupéfait de la surprenante ténacité de ces haoles qui, coûte que coûte, allaient jusqu'au bout de leur désir, dû le ciel s'écrouler sur leur tête. Il voulait régner sur les hommes et sur toute chose, au risque de succomber à la tâche. L'admiration pour ces hommes s'imposait à lui ainsi que cette volonté plus forte en eux que l'amour de la vie, et devant quoi tout pliait. Il fut persuadé de l'inutilité de résister davantage aux haoles. Même s'il en tuait 1000, ils se multiplieraient comme les sables de la mer pour s'abattre sur lui. Jamais il ne se considérait comme battu. Défaut et à la fois vertu dont sa propre race était totalement dépourvue. Maintenant, il comprenait pourquoi une poignée de prêcheurs de Dieu et de Rome avait conquis le pays. « Eh bien, qu'as-tu à répondre? Veux-tu me suivre à présent ? C'était la voix de l'homme invisible qui tenait le fanion blanc. Comme tout a houlé, il allait droit au but. « Parlons !» dit Kulao. La tête et les épaules du soldat émergèrent, puis tout son corps. C'était un jeune homme de 25 ans, au visage doux et au regard bleu, svelte et bien pris dans son uniforme de capitaine. Il avança jusqu'à ce qu'Kulao lui fait arrêter et s'assit à une douzaine de pieds de lui. « Vous êtes un brave !» dit Kulao émerveillé. « Voyez, je pourrais vous tuer comme une mouche. Je t'en défie bien. Et pourquoi ?»« Parce que tu es un homme, Kulao. Je connais ton histoire. Tu te bats loyalement. » Kulao grogna, bien qu'intimement flatté. « Qu'avez-vous fait de mes compagnons, le jeune garçon, les deux femmes et l'homme ? Ils se sont rendus, et je viens te demander d'en faire autant. » Kulao, incrédule, se mit à ricaner. « Je suis un homme libre, » proclama-t-il. « Je n'ai commis aucun crime. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on me laisse en paix. Libre j'ai vécu, libre je mourrai. Jamais je ne me rendrai. » « Alors tes gens sont plus sages que toi, » répondit le jeune capitaine. « Regarde, les voici qui viennent. » Kulao, se détournant, vit s'approcher les derniers membres de sa tribu. Gémissant et se lamentant, ils traînaient leur misère en une procession lugubre. Une suprême amertume lui fut réservée. En passant près de lui, ils l'accablèrent d'imprécations et d'injures. Même la mégère qui fermait la marche s'arrêta, étendit vers lui ses serres de harpie. Secouant sa tête qui montrait des dents découvertes comme celles d'un mort, elle lui lança une malédiction. Un à un, ils disparurent au bord de la falaise pour se rendre aux soldats. « Vous pouvez partir, » dit Kulao au capitaine. « Je ne me livrerai jamais. C'est mon dernier mot. Adieu. » Le capitaine s'éloigna à son tour. Aussitôt après, et cette fois sans arborer le pavillon parlementaire, il plaça son chapeau au bout du fourreau de son épée et l'éleva en l'air. Kulao y logea une balle. L'après-midi, le bombardement reprit et quand Kulao se retira dans les hauteurs de l'arrière aux cachettes inaccessibles, les soldats le poursuivirent. 6 semaines durant, ils le traquèrent de retraite en retraite parmi les pics volcaniques et le long des sentiers abrupts. Lorsqu'ils se dissimulaient dans la jungle, ils se formaient en tirailleurs et le rabattaient comme un lapin à travers les broussailles. Mais constamment, il faisait un détour, revenant à son point de départ et finissant par s'échapper. Impossible de le cerner. S'il se trouvait serré de trop près, son fusil infaillible les refoulait en arrière, et quelques blessés reprenaient la direction de la baie. Parfois, il tirait sur son corps brun qui, l'espace d'une seconde, passait entre les buissons. Un jour, 5 soldats le surprirent sur un sentier découvert entre 2 caches. Ils vidèrent leur magasin sur lui tandis qu'il grimpait ce chemin vertigineux. Des taches de sang leur apprirent qu'il l'avait touché. Au bout de 6 semaines, ils renoncèrent à leur poursuite. Soldats et policiers retournèrent à Honolulu et la vallée de Kulao fut abandonnée à Kulao, comme son propre fief. Pourtant, de temps à autre, les chasseurs de têtes s'aventuraient à le capturer pour leur plus grand dommage. 2 ans plus tard, et pour la dernière fois, Kulao rampa dans un fourré et s'étendit parmi les feuilles de thym et les fleurs de gingembre sauvages. Libre il avait vécu, libre il allait mourir. Une légère bruine commençait à tomber. Il ramassa un lambeau de couverture sur les restes déformés de ses membres. Un manteau huilé lui enveloppait le corps. Il plaça sur sa poitrine son mausor et en essuya avec tendresse le canon humide. La main dont il se servait n'avait plus de doigts pour presser sur la gâchette. Il ferma les yeux, car à son épuisement physique et aux troubles légers de ses idées, il sentait sa fin prochaine. Comme un animal sauvage, il se terra pour mourir. Presque inconscient, dans une espèce de délire, il revécut les temps de son enfance sur l'île de Nuuau. La vie l'abandonnait. Ses oreilles ne percevaient plus que faiblement le bruit de la pluie. Il se retrouvait au plus fort du dressage des chevaux, campé sur de jeunes poulains qui se cabraient et faisaient de folles embardées, ses éperons serrés sous eux. Ou bien il se voyait, s'élançant sur le bétail et entraînant derrière lui ses aides, les cow-boys. L'instant d'après, il repartait tout naturellement à la poursuite des taureaux sauvages dans les hautes pâtures, les attachait et les conduisait dans les vallées. Le relent de sueur et la poussière du parc de marquage au fer lui piquaient encore les yeux et remplissaient ses narines. Toute sa jeunesse vigoureuse, son corps intact, ressuscitait dans sa mémoire, mais les affreux cuisants de la fin prochaine le ramenèrent à la réalité. Il leva ses mains et les considéra avec étonnement. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi la plénitude de cette jeunesse farouche se serait-elle transformée en horrible moignon ? Alors il se souvint. Et pour un moment encore redevint Kulao le lépreux. ses paupières papillotèrent, puis se fermèrent avec lassitude, et le tambourinement de la pluie n'atteignit plus ses oreilles. Il fut pris d'un long frisson, souleva légèrement la tête, puis elle retomba. Alors ses yeux se rouvrirent pour ne plus se refermer. Son ultime pensée alla vers son fusil, et il le serra sur sa poitrine de ses poings crispés, qui n'avaient plus de doigts. Ainsi s'achève Kulo le lépreux, par Jack London,